Spartiate, quel est votre métier? Ok, c'est pop, l'âme vivait réussir comme à la guerre. Grave record, j'ai perdu une bataille, la guerre je la gagnerai. T'es pas content et qui sait que ma plume, c'est le sort du titan. Je mets ma cagoule à moitié de guerre et qu'on renaisse vite pas. Pas le chargeur vidé, je mets mes gants, j'enfile mes couilles et hop, me revoilà à moi de parcouille. Je vais récupérer ta lamerie, tu graves dans tes tempos. T'en veux, hein? Paraît que ça veut me tester, paraît que ça veut me clasher. Je m'accorde pas à la hauteur des imposteurs. Trop tard, t'as raté le facteur, c'est le retour du cocogneur. Appelle-moi l'arnaqueur, je suis un bâton à moi de rage. Je canalise mes nerfs, toujours au pays sur le terre-terre. Disons grave dans le chico, j'affile mon costard. J'éclate la concurrence pour célébrer ma victoire. Toujours un bâton. C'est le choc du titan, le choc du bâton. Chaîne de guerre, l'envie d'y croire, réussir comme l'a fait ton père. N'en dors pas, je me tue au somnifère. C'est le retour du chaîne de guerre. C'est le choc du titan, le choc du bâton. Chaîne de guerre, l'envie d'y croire, réussir comme l'a fait ton père. N'en dors pas, je me tue au somnifère. C'est le retour du chaîne de guerre. De la rue, Allah ou Akbar sont les vertus. Au saison les King Rock, les batailles de King Kong. Trop veulent me tester, trop veulent ma veste. J'enchaîne ton race en état d'ivresse. J'enchaîne les classiques en mode classico. Toujours seul, je vais pas ça des mecs qu'on isole. Tu gardes pas normal, je suis là. Je vais brouiller les interférences. Je rappe en crypté, toujours dans la street. Pas la taille dans ma clique. J'prends le mic à l'arracher, ton rap et ton rodage. Le mec à la page, ton flore a fait naufrage. Fais des rimes que des bords de tous les côtés. Les verrous du RAP, j'vais les péter. Ma voix est ensorcelée. Pour trouver le faux, même pas le temps de forcer. C'est ce top, comme un guerrier, j'grimperai au sommet. C'est le choc du titan, le choc du bâton. Chaîne de guerre, l'envie d'y croire, réussir comme l'a fait ton père. M'endors pas, j'me tue au somnifère. C'est le retour du chaîne de guerre. C'est le sort du titan, le sort des bâtons, chaîne de guerre. La vie d'y croire, réussir comme l'a fait ton père. M'endors pas, je me tue au somnifère. C'est le retour du chaîne de guerre. Trop veulent ma peau, le chaîne de guerre de retour. Kidnapping en plein ster, n'en vais pas me test. Je suis bonhomme de la rue, autant habile que les flics flats de Ronnie. Tu rap avec un accolé dans le dos, agresse le rodéo, t'as la tête qui tourne de partout. Appelle-moi le caméléon, le rap est à moi. Je viens de découvrir que le rap c'est mon empire. Trop de deals, trop de frimes, pas le temps de jouer à l'escrime. J'garde de partout, j'suis paro. Ironie du sort, la crise m'a rattrapé. Le cauchemar d'une voiture, j'ai face à mes convictions. Trop de trahison, comment veux-tu avoir les raisons de ton mal-être? Je canalise mes nerfs, j'suis droit. Allah est toujours là, une pensée à Ida. C'est le choc du titan, le choc du bâton, chaîne de guerre. L'envie d'y croire, réussir comme l'a fait ton père. M'endors pas, je me tue au somnifère. C'est le retour du chaîne de guerre. C'est le choc du titan, le choc du bâton, chaîne de guerre. L'envie d'y croire, réussir comme l'a fait ton père. M'endors pas, je me tue au somnifère. C'est le retour du chaîne de guerre.